1. J'attends le bus. 2. Il comprend mes problèmes. 3. Elle répond au professeur. 4. Tu prends le train. 5. Vous vendez des voitures. 6. Nous apprenons l'anglais. 7. Ils descendent du métro. 8. Vous entendez les enfants. 9. Elles prennent un café. 10. Je réponds au téléphone.